suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 19. L'action 19. Tun, wat miste samsten? Antoine, que fais-tu les samedis? Je suis un ferel ferradop en drinke coffee. Je me lève à 8h moins le quart et prends mon petit déjeuner. J'y ai un chmier mat potter à gebees. Je mange une tartine au beurre et à la confiture. En duono, et puis, duono huel ne jeng douche. Puis je prends une douche. Geng tsinger au four ne jeng t'stat. Je kin op de moite oebst à gemees kaffen. Vers 10h, je vais en ville. Je vais au marché acheter des fruits et des légumes. 11h gine ich mat fren inhuelen. À 11h, je vais boire un verre avec des amis. 12h fourene schem a karamenga fra mit de jessen. À midi, je rentre chez moi et prépare le déjeuner pour ma femme. No mittes gine je bisse mam hond spazieren. L'après-midi, je me promène un peu avec le chien. Oves gimmer an de kino. Heianzto gimmer o an de restaurant. Le soir, on va au cinéma. De temps en temps, nous allons aussi au restaurant. Mais qui spät schlafen, weil sonst morgens können wir mir lang am Bett bleiben. Nous nous couchons tard, car le dimanche matin, nous pouvons rester au lit plus longtemps. Voyons un peu ce dialogue. Tun, wat misst du samstes? Vous vous rappelez que si les jours de la semaine prennent une terminaison en ES, il s'agit du samedi, dimanche, etc. en général. Même chose pour les différentes parties de la journée. Nomettes, oves, mures. Nomettes, gehen ich an de kino. Sondes mures, können wir mehr lang am Bett bleiben. Ich stin ferel ferart op. Ich stin op est l'indicatif présent du verbe opstehen. Ce verbe se compose du verbe stehen, être debout, et de la préposition op. Cependant, du moment que vous conjuguez le verbe, vous séparez à nouveau la préposition du verbe stehen et vous la mettez à la fin de la phrase. Ich stehe ferel ferart op. Cette habitude, qui doit paraître très étrange aux francophones, nous place devant un double problème. Premièrement, beaucoup de verbes sont formés ainsi, donc il faut constamment faire attention à ce phénomène. Deuxièmement, des fois, on n'ajoute pas une préposition au verbe de départ, mais un préfixe, qui, lui, n'est pas séparé du verbe quand on le conjuge. Le problème qui se pose donc pour vous est de savoir quand il s'agit d'une préposition et quand il s'agit d'un simple préfixe. Illustrons cela par un verbe qui contient également le mot « stehen », comme par exemple « verstehen »,« comprendre ». Vous avez donc pour « opstehen » se lever « ich stehe op »,« du stehst op »,« hier stehst op »,« mir stehst op »,« dir stehst op »,« sie stehst op ». Mais pour « verstehen »,« comprendre »,« ich verstehe »,« du verstehst »,« hier versteht »,« mir verstehen »,« dir versteht »,« sie verstehen ». Prenons un autre exemple. Rausfinden, découvrir, comme par exemple dans découvrir la vérité, et erfinden, inventer. Ich fand raus, du fandst raus, hier fand raus, mir fand raus, dir fand raus, sie fand raus. Mais, ich erfinden, du erfindst, hier erfind, mir erfinden, dir erfand, sie erfinden. Dans notre texte, nous avons également quelques indications de temps. Feirel fir art, 8h moins le quart. Gein tsengawa, vers 10h. Elevawa, à 11h, etc. Et à nouveau, attention à la différence entre l'endroit et la direction. L'endroit étant exprimé par une préposition plus datif et la direction par une préposition plus accusatif. Mir gehen an de kino, an de restaurant, mais mir sind am kino, mir sind am restaurant. Wir können sonst morgens mehr lang am Bett bleiben, dativ, mais wir gehen am Bett, akkusativ.